éloge sans bouquet. Sans larmes j'arrive, une balle se loge. Ok, je fais rien sans l'art. Et y a longtemps que la mort m'a bouqué. Rebelle dans l'âme, ma haine attend dans les loges. J'ai le rire sous clé et l'âme tout près. J'ai tué l'horloge, j'fais pas de R-O-M-A-N. J'écris, je largue tout, rap sur l'orgue, je m'amène. J'vais boucler la boucle, mes chansons craquent. J'assure l'ordre, j'ai la même dalle qu'avant le crash sur l'or. Ils veulent rouler à peine ou de couplet. Ignore le message et crash sur l'homme. J'fais du dressage d'instru, c'est dans le curriculum. Comme après le pressage de gâchette, on rattrape pas les mots que la bouche lâche. Ma vie, mon dos, des gouttes, là, se crochette. La serrure des tabous d'accrocher, j'couche la morale hochée. La tête, j'parle français comme une 600 coups, slave. Approcher, j'cogne le sang, cool, j'lave mon honneur si leur monde est pas moché. C'est qu'on est tous lâches. Des micros sans couilles, slam kick, des rimes fauchées. J'clame que le crime lyrique a le pays pour crever, on a tous lâche. La limite pousse là, on est tous là pour un temps limite. On rêve tous large, plein d'étoiles à décrocher. La vengeance renvoie les balles comme Federer. Ace, jeu, c'est des matchs, service funéraire. J'veux un scratch, j'ai une prière pour les b-boys d'hier. Le hip-hop dort dans un jardin de pierre. J'ai mon style propre, une prière pour ces révoltes rouges sang qui virent au vert, dollar 99 contre 1%. Une vie dollar, où y'a plus de sens, regarde à quoi ça nous pousse. Surpuissant, j'ai une île briquée à la poudre. Puis le mariage pour tous, il est glissant. Le terrain, je pars en éclaireur, depuis le temps qu'on en parle. Moi je reste un franc tireur, vu que les balles ne manquent pas. Laissé pour mort mon blase, j'attendrai pas que c'est traite l'oreille. J'écris les fraises, c'est du Van Gogh, négro, prête l'oreille. Même sans drogue, j'plane au-dessus du lot, j'suis un mystère. Pour eux j'ai commencé, petite secousse, en bas de l'échelle de Richter. Amoureux du risque et du son de vermine. Tu veux que je conduise le rap sans trois mains. Mais je roule bourré, j'ai même pas le permis. Pas de révolution de jasmin. Des guerres, j'en connais pas de sainte. J'vais tuer Rimbaud pour rendre à César. J'passe pas du rhum à l'absinthe. Non. La foudre m'annonce, j'ai que ça à foutre. Rapper ce qui me tracasse, cracher les verres qui défoncent. Je gratte en live d'une crack house. J't'enfonce mon blues, j'suis un 12 coups, j'acasse. Comme Cruz dans les princes de la ville, j'peins des chiens de la casse. J'épouse le rythme et kiff, j'suis comme un mafieux en Toscane. Nègre accusé de viol auditif, j'veux le même baveux que Strauss-Kahn. J'adhère au Fight Club à coups de front et de phalange. Sans les pincettes, j'suis grave vivant et j'suis trop vieux pour suivre les 27. J'écoute leur track, y'a plus rien à part billets, alcool, sont confondus, tenir la barre et faire du pole dance. Le sang est plus épais que l'eau d'une famille nombreuse. Le débat est clos, je rappe loin de ces merdes qui font le buzz. Comme si la victoire m'enseignait comment perdre. J'ai compris le sens du verbe exister. À genoux sur la tombe de mon père, je vais pas me désister. Je grave mes strophes au cutter. Les coups j'énumère, je garde l'interrupteur sur off. J'emmerde le porteur de lumière. Dieu a un plan, j'ai le feu au smell depuis trop longtemps. Le truc c'est pas de dire la vérité ou non, c'est qui veut l'entendre. J'ai sniffé les cendres à Biggie, je rappe, ça sonne Brooklyn. En live de la jungle, j'écris un autre chapitre du livre à Mowgli. Du jour pas un sous Jack, j'ai pris de la bouteille, je lui ai repeint. Tu cherches la différence entre moitié vide et moitié plein. J'éviterai pas les drames, les coups ça motive. Pour augmenter l'impact, l'histoire me trouvera bien motif. J'rappe, braque la victoire, on y arrivera. Qui sait, on lâche pas. C'est Rocky 1, Rocky 2, 3, 4, c'est Rocky 16, on lâche rien. Chante sans les chaînes, mec, t'entendras peut-être mes prières. Dis au petit frère que notre histoire commence pas par la traite négrière. Dealer, dealer que tout ce qui remonte redescend, mec, c'est scientifique. Comme tout ce qui crève entre quatre murs et anti-flic. J'identifie le mal, j'ai l'armement. J'm'implique, parfois je lâche le manche. Le rap me manque, comme Tupac me manque. Le monde je le mange, trop de pixels. Message haute définition, double XL, pas de massage sans finition. Les ficelles, je connais, moi je suis un monstre. Contre une armée d'hommes, j'ai toujours un sale coup d'avance. Comme un gangster médium. 95, Val d'Oise, parti nord. J'ai grandi au 6ème chaudron, la cerisée. Je comprends les négros de Baltimore. J'ai le mauvais profil, je connais sans reculer. Je suis un ténor, t'es juste un zombie nécrophile. Enculé, t'es mort, sur le bon beat. J'ai le mort et Bambi, c'est pris un coup par choc. Dans le bis, reviens, je crache, t'y levais les bras, baissé par le froc. Un truc mal propre, en guerre, H24, même les jours fériés, je suis un cas. Moi je rappe sans pause, j'entends les munitions grailler, désolé. C'est ma définition du repos du guerrier. J'arrive, j'ai un AK-47. Pendant une bataille d'oreiller, je me suis réveillé un matin avec la mémoire en sang. C'est con, déposer une bombe. dans mon jardin d'enfant. Et depuis Jeanne veut devenir cerf, Olive baise avec Tom. 20 BR, tu deviens adulte entre quatre murs, je chie dans la Tom. C'est le voyou qu'on adulte, je grandis, j'ai des idées toutes faites. C'est quoi la vie après la mort? Qui c'est qui fourre la schtroumpfette? Loin de l'époque de la mort, il a du mal à se lever. L'espoir sur chaise roulante, même Superman a crevé. Sourire séquestré par un clown triste, artificiel, coma. La rue c'est comme chez Ronald, c'est plein de coke et de gros mac. 25 décembre en enfer, de l'insouciance en terre la dépouille. Dit au Père Noël de descendre dans nos blocs s'il a des couilles. Les porcs polluent la prose, billets violés, pouvoir et gros seins. Décollés après la dose, tous les dealers sont des magiciens. Dealers, rangés les pouces vers les likes où je fais les jambes traits. D'assassin, je prends ce que la vie me donne et je rends ce que la légende me prête. Dis-leur que mon cœur a cessé de battre un 14 février. Maintenant je prends la vie à quatre pattes comme femelle lévrier. Je rappe, j'herbe, je crache le fruit de mes entrailles. Je sais, j'aurais dû bourser mes algèbres, vu le prix de mes entailles. Pour toute la joncaille du monde, je lâcherai pas ma grammaire au cul. Quand les modèles de nos gosses deviennent des implants, ma mère et des gros culs. Et je les entends essayer de miauler comme Drake, espérant violer les ventes de disques, autant braquer une banque grecque. Je frappe sans break, c'est l'heure de l'addition. Les pères dans rack, c'est peut-être ma dernière apparition. J'ai jamais rêvé de carrière dans le rap. Je m'invite dans ton monde idéal, j'ai un schlass grand comme Lil Wayne. Je monte sur un clash, puis comme un scratch sur du Lil Wayne. Je fais tâche, je suis pas prophète dans mon blade. Alors je porte des objets métalliques, je plaide avec des rasoirs dans la bouche comme Malik. Mais la vie, c'est pas un film d'Odia, y'a rien de gratté à l'avance. Y'a du feu, de l'essence et une bouteille quand j'écris à la France. Pour ces jeux de mots baptisés punchline, pour ces genoux compactisés avec le diable. Pour plus de sunshine, c'est jab, jab, direct, jab. Crochet, jab, jab, direct, uppercut. Crochet, l'art de la punchline, tu percutes. Pour les questions de fric, on a des réponses sans cagoule. On rêve d'un monde sans flic. On crève, on fonce du risque, on a le goût. C'est pour ces grandes villes, pleines de gens vides et de murs tatoués. Où on se croit en vie en guettant le monde derrière des vitres teintées. Pas avare de mots, j'ai jamais su finir mes textes à 16. J'écris des titres trop bavards, comme si j'avais peur de pas en dire assez. Je rappe des requiem, des requiem, des requiem, des requiem.